Jacob s'éteint dans l'espérance. Je sais, ferme les yeux du passé. Les frères tremblent encore de crainte devant les souvenirs qui n'ont pas cessé. Ils redoutent la vengeance cachée. Mais Joseph pleure leur peur et révèle enfin le cœur du ciel. Derrière les détours de la douleur, le pardon révèle ce que Dieu écrivait depuis. Vous aviez voulu le mal pour moi, mais Dieu l'a changé en salut. Et des vies ont été sauvées parce que la haine croyait perdue. Vous aviez voulu le mal pour moi, mais Dieu avait un plan plus haut. Et même nos pires détours deviennent des chemins de vie sous son drapeau. Joseph demande que ses os reposent dans la terre de la promesse un jour. Car même la mort sait qu'elle ne tient pas la dernière page de l'amour. Commencer en jeunesse va parcourir chaque livre, chaque rue, chaque salut venu. Vous aviez voulu le mal pour moi. Vous aviez voulu.